بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الكلمة، فنسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. وبعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et on est toujours sur l'explication du chapitre concernant l'étude du nom al-Aziz et Al-Hakim. Donc c'est un chapitre qui est d'une extrême importance, d'une importance capitale. Et donc ça change la vie du croyant, du fait qu'il sait, lorsqu'il prend vraiment connaissance que son Seigneur a le pouvoir sur tout, un pouvoir absolu, et qu'il est le Tout-Puissant, et que cela aussi est lié à une sagesse immense. Donc Allah Jalla wa Ala, comme il est Al-Aziz, le Tout-Puissant, le glorieux, le majestueux, Allah Jalla wa Ala aussi, il est Al-Hakim, celui qui détient cette sagesse infinie, Subhanahu wa Ta'ala. Et donc, on était en train d'étudier, on avait fini hier, ou plutôt on était sur l'étude du dernier hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari ici dans ce chapitre. Donc, on va essayer de terminer l'étude de ce chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Et hier, on avait terminé lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen fait un long conseil. On avait dit que Cheikh Ibn Uthaymeen a vraiment développé ici lorsqu'il nous parle de l'approche qu'on doit avoir, l'approche du musulman face aux versets liés aux attributs divins, liés aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a dit que le musulman, lorsqu'il est face à des versets où il y a l'évocation des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il ne doit pas avoir recours à quelque forme de philosophie ou à la spéculation ou bien à l'art de la rhétorique ou autre. Le musulman ne philosophe pas, le musulman ne spécule pas lorsqu'il y a mention et évocation d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs d'information, des attributs où Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet de son entité, au sujet de lui subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de place pour une quelconque philosophie ou bien une quelconque spéculation ou autre. Nous devons accepter les textes comme ils nous sont parvenus et comme ils ont été révélés. Et contrairement aux autres versets dans le Coran, ce qu'on appelle les versets d'attributs, ce qu'on appelle ayat as-sifat, ces versets, nous n'avons pas recours à une interprétation. Ils sont compris comme ils ont été révélés, car cela a été révélé d'une langue arabe claire et explicite, comprise, et ses sens sont compris. C'est pour cela que, différemment aux autres versets, où on peut avoir recours à une interprétation, les autres versets qui ne sont pas des versets d'attributs, par exemple, peuvent être interprétés. Pour cela qu'il y a des livres ou des livres d'interprétation du Coran, ce qu'on appelle Kutub al-Tafasir. Donc là, les savants, il y a des exégètes qui interprètent les versets. Depuis l'époque du prophète, le prophète lui-même nous enseignait l'interprétation des versets du Coran. Tandis que, en ce qui concerne ces versets qui sont des versets spécifiques que les savants appellent les versets d'attributs, ayat as-sifat, là, on n'a pas recours à une interprétation. Ils doivent être compris et pris comme ils ont été révélés, comme ils nous sont parvenus. Et c'est ça la règle chez les gens de la sunna et du consensus. Et de cette manière, hein, les ont compris, les premiers de cette nation, les premières générations, depuis l'époque du prophète, depuis les compagnons et toutes les générations. Et donc, on a dit que Cheikh Ibn Uthaymeen va expliciter cela, il va développer cela, il va conseiller Talabat al-Ilm, les étudiants en sciences religieuses d'une manière particulière, et les musulmans, donc, d'une manière générale. On a dit que Cheikh Ibn Uthaymeen, donc, c'est vraiment approfondi sur cela. Il donne un conseil. Nous, on a passé le passage. J'ai essayé de traduire de manière générale certains arguments qu'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymeen. Mais on va essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de terminer l'étude du chapitre. Et pour cela, on va terminer l'étude du hadith dont on avait commencé l'explication. Donc, c'est le dernier hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari ici dans son commentaire. Donc, toujours comme je vous l'avais traduit hier et dans une autre assise, c'est un hadith qui est important, très important. Pourquoi? Puisque le prophète, ensemble, nous informe au sujet de l'enfer et aussi du paradis. Donc, c'est ce hadith de Anas ibn Malik, ce dernier hadith que mentionne l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, et donc où le prophète, ensemble, dit « La yazal yulqa fiha wa taqul hal min mazid » où l'enfer ne cessera d'être rempli et dira « Y en a-t-il encore ?» Et ensuite, Allah Jalla wa Ala posera son pied et il va alors se replier sur lui-même. L'enfer va se replier sur lui-même et dira « Qad, qad », c'est-à-dire « ça suffit par ta puissance et ta générosité ». Donc ça, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est la première partie du récit. Ensuite, le prophète, sallam, nous parle du paradis et il dit « Il restera de la place au paradis jusqu'à ce qu'Allah, Jalla wa Ala, crée pour lui d'autres créatures et les fasse habiter dans ce qui reste comme place dans le paradis. » Donc vous avez vu la deuxième partie du récit. Dans cette deuxième partie, le prophète, sallam, nous parle du paradis. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va conclure l'explication de ce chapitre, justement, en expliquant la dernière parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, liée au paradis. Donc, regardez. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est un hadith qui est très important. Vous avez vu pourquoi? Parce qu'il nous parle du paradis et de l'enfer. Vous avez vu dans le Coran, si vous voulez, vous pouvez revenir à beaucoup de versets dans le Coran, beaucoup de versets où Allah, Jalla wa Ala, nous relate et nous informe au sujet du paradis. Donc, c'est cette promesse immense d'Allah, Jalla wa Ala, pour les croyants. Donc Allah Jalla wa Ala a préparé un paradis, a créé le paradis pour les croyants. Et Allah Jalla wa Ala dans le Coran nous décrit le paradis et le prophète sallam aussi nous décrit le paradis dans sa sunna. Donc ça c'est la rétribution et la récompense pour ceux qui ont cru en Allah Jalla wa Ala, qui ont cru en ses signes, qui ont accordé foi au prophète et au messager et qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi. Wassalam. Regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit à la fin, en conclusion de l'explication de ce chapitre, il nous dit « Wa amma baqiyat al-hadith, fa fihi bayanun anna Allah azza wa jal, kama dhakara an nafsihi fil hadith al-qudsi, anna rahmati sabaqat ghadabi, yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha, waladhi yadkhuluha min bani Adam, wahidun min alf, lakin al-wahid min alf lahu mulkun tawilun aridu masiratu alfay am. » إلى أقصاه كما ينظر إلى أدنى إلا أن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض ومن يدرك عرض السماوات والأرض لا يدركه إلا الله يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل وقد وعدها الله سبحانه وتعالى أن يملأها وهو أوفى من وعد قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله ويبقى فيها فضل يقول حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة في ذلك الوقت يخلق الله أقواما جددا ويدخلهم الجنة بلا عمل بل بفضله ورحمته. Donc regardez Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit dans cette explication, il conclut en disant, et en ce qui concerne le reste du hadith, donc il fait allusion à la deuxième partie du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du paradis. Regardez ce que va dire Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est très pertinent. Il va faire allusion à un hadith, mais pas à n'importe quel hadith. C'est un hadith qu'on appelle Qudsi, c'est un hadith divin. Souvent, c'est traduit les hadiths divins. Donc, dans ces récits, c'est Allah Jalla wa Ala qui parle. Mais ça ne fait pas partie du Coran. C'est pour ça qu'on appelle ça des hadiths qui sont divins, où Allah Jalla wa Ala parle et dit. C'est-à-dire, c'est Allah Jalla wa Ala qui a dit, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous transmet cette parole d'Allah Jalla wa Ala. Regardez dans ce hadith divin, il est dit qu'Allah Jalla wa Ala a dit, anna rahmati sabaqat ghadabi. Que ma miséricorde, une traduction relative du récit, regardez ce hadith dont fait allusion Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'Allah Jalla wa Ala a dit dans ce hadith divin, que ma miséricorde devance ma colère. On pourrait traduire aussi que ma miséricorde précède ma colère. Et on a aussi une autre version où il est dit « Anna rahmati ghalabat ghadabi » que ma miséricorde a dominé. Donc ici, il est mentionné, évoqué le terme « ghalabat » c'est-à-dire « dominé » que ma miséricorde a dominé ma colère. Et là, c'est un hadith immense dont nous fait allusion Cheikh Ibn Uthaymeen ici pour commenter la partie où le prophète Sansem a parlé du paradis. Regardez, il fait allusion à ce hadith où Allah Jalla wa'ala nous informe que sa miséricorde a précédé sa colère. Et c'est un hadith qui est immense. Et pour bien comprendre ce hadith, il faut revenir à la totalité du récit. Et au début du récit, il nous est dit que le prophète Sansem a dit qu'Allah Jalla wa'ala a dit « Lamma qada Allahu al-khalq kataba fi kitabi wa huwa indahu fawq al-arsh anna rahmati ghalabat ghadabi wa kama qulna fi riwaya sabaqat ghadabi » وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. Et regardez donc le récit dans sa complétude. Il est dit, le prophète nous informe que lorsqu'Allah Jalla wa'ala qada, lamma qada Allah al-khalq. Et le sens de cela, lamma qada Allah al-khalq, c'est-à-dire lorsqu'Allah a fini d'avoir créé cette création, lorsqu'il a créé les hommes, il a créé toute la création. Ensuite, Allah Jalla wa'ala kataba, fi kitabihi. Donc Allah ensuite a inscrit, il a été consigné une parole, et cela auprès de lui, فوق العرش, au-dessus du trône. Donc regardez, c'est vraiment très explicite. Donc ensuite, Allah Jalla wa'ala, kataba fi kitabi. Donc ensuite, il a inscrit, fi kitabihi, ay, kutub fi lawhil mahfouz, kataba ou kutiba fi lawhil mahfouz. Et cela a été inscrit donc dans la table bien gardé, dans la table préservée. Donc Allah Jalla wa'ala, après qu'il ait créé toute la création, tous les êtres, ou al makhlouqat, Allah Jalla wa'ala inscrit fi lawh al mahfouz ma huwa ka'in ila yawm al qiyama. Allah Jalla wa'ala inscrit tout ce qui sera et tout ce qui se produira ila qiyam as-sa'a, dans cet univers, et cela jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la résurrection. Mais aussi, regardez, Allah Jalla wa'ala nous informe que lorsqu'il a fini cette création-ci, il a inscrit fi kitabihi fa huwa indahu. Donc Allah a inscrit aussi et dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du arche, que sa miséricorde domine sa colère, que sa miséricorde devance et précède sa colère. Donc c'est un hadith qui est immense, où il y a ici une annonce pour les croyants. C'est que Allah Jalla wa'ala a fait devancer sa miséricorde sur sa colère. Et ça, lorsque le croyant médite cela, médite que la miséricorde d'Allah précède la colère d'Allah, alors c'est une annonce qui est immense pour les croyants. Et ça donne de l'espérance et ça réconforte le croyant de savoir que la miséricorde d'Allah précède la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous est dit dans des récits que Allah Jalla wa'ala, dans un hadith authentique, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a divisé cette miséricorde en 100 parties. Que cette miséricorde est divisée en 100 parties. Et l'une de ces parties, il l'a fait descendre sur terre. Donc il en reste 99. Et cette miséricorde qu'il a fait descendre sur terre, c'est ce que vous voyez. C'est la miséricorde de la mère par rapport à son enfant. Toute la miséricorde que vous voyez, la compassion qu'il y a sur terre, cette miséricorde que vous voyez, cette clémence que vous voyez sur terre, les aides par rapport aux autres, et ben sachez que ça, c'est juste une partie de ces 100 parties de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la miséricorde d'Allah est vaste, et la miséricorde d'Allah est immense. Wasi'at kulla shay, elle englobe et cerne tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on le relate et on l'a relaté, donc la miséricorde est composée de 100 parties. Et donc, cette miséricorde qu'on voit sur terre, c'est une seulement de ces 100 parties. Et donc, c'est pour cela que Allah Jalla wa'ala nous parle de sa miséricorde. Et sa miséricorde, elle est immense. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est très pertinent. Lorsqu'il nous mentionne ce hadith divin, lorsqu'il va parler, il va expliquer cette partie qui est dédiée au paradis, lorsque le prophète Ansem nous parle du paradis, c'est quelque chose de très important qu'il nous cite ce hadith. Vraiment que lorsque le croyant sait qu'Allah Jalla wa'ala a fait précéder sa miséricorde par rapport à sa colère, eh ben, ça va rassurer le croyant. Regardez une personne, par exemple, qui veut connaître Allah, qui veut connaître le Seigneur, le créateur de cet univers. Il veut se renseigner, par exemple. Il ouvre le Coran, il ouvre le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ouvre à peine le livre, le premier verset sur lequel il va tomber, c'est « Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim ». Il va tomber sur le verset « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux » ou « Le très miséricordieux » et « Le tout miséricordieux ». « Al-Muhim ar-Rahman ar-Rahim ». Regardez, la première chose, par exemple, on s'imagine par exemple qu'un non-musulman veut se renseigner sur l'islam et connaître le Seigneur des musulmans. Alors, il ouvre le Coran. Il est curieux. Il veut comprendre quel est ce Seigneur, quel est le Créateur dont croient les musulmans et ce Créateur qu'adorent les musulmans et qu'adorent les croyants. Il ouvre à peine le livre et le premier verset sur lequel il va tomber, la première chose qu'il va lire, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, traduction relative du sens du verset. Donc Allah Jalla wa'ala nous informe à son sujet. Donc la personne qui, par exemple, veut connaître Allah Jalla wa'ala, et donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas une meilleure manière pour connaître Allah que d'ouvrir le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'ouvrir le Coran. Donc une personne qui voudrait connaître Allah à travers son livre, à travers le Coran, à peine il va ouvrir le livre, il va, le premier nom qu'il va lire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah ar-Rahman, ar-Rahim. Et là, il va se rendre compte que ce Seigneur, le créateur de cet univers, est le tout miséricordieux. Wa hadha shay'un 'azim. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'immense. Regardez, observez dans différents versets, Allah Jalla wa'ala nous parle de sa miséricorde. Et c'est pour ça où il y a des versets, il dit même « Kataba rabbukum ala nafsihi ar-Rahma ». Allah « Kataba ala nafsi ». Allah « Kataba ala nafsihi ar-Rahma », il nous dit. Il s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on a un verset où Allah dit « وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا » فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Allah dit, et lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos versets, dis-leur paix sur vous, soyez les bienvenus. Allah s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Il s'est prescrit à lui-même الرَّحْمَةِ, la miséricorde. Et ça, vous retrouvez ça par exemple dans des versets, par exemple dans Sourate Al-An'am. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءٌ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم. Regardez, dans la continuité du verset, Allah dit, ainsi tous ceux qui d'entre vous commettent le mal par ignorance et qui ensuite s'en repentent et s'amendent, Allah Jalla wa Ala se montrera à leur égard clément et miséricordieux. Ghafur Rahim. Et ça, vraiment, ça dénote la miséricorde d'Allah. Et c'est pour cela que le croyant, il doit toujours espérer en la miséricorde d'Allah. Et il doit toujours espérer en la bonté de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie des grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez, si vous observez dans le Coran, par exemple, dans la sourate Ghafir, il y a une sourate qui est appelée la sourate du pardonneur, qui porte le nom ici, l'un des noms d'Allah, Ghafir, la sourate du pardonneur. Regardez dans le début, Allah Jalla wa'ala nous dit Ghafiri dhamb, wa qabili taub, shadid al-iqab, dhi taul. Regardez, Allah Jalla wa'ala nous informe à son sujet. Lorsqu'Allah Jalla wa'ala nous dit Hamim tanzilul kitabi min Allah al-Aziz al-Alim ghafir al-dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab dhi al-tawl la ilaha illahu ilayhi al-masir. Dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous dit, après nous avoir cité les deux lettres, Hamim, il nous dit, la révélation du Coran est l'œuvre d'Allah. C'est-à-dire, Tanzilul Kitab min Allah al-Azizi al-Alim. Ce livre est descendu de la part d'Allah. Et regardez, il y a la mention du nom, hein, qu'on est en train d'apprendre. Al-Azizi, le Tout-Puissant, al-Alim. Mais regardez là, il est suivi, il est lié, il a été évoqué avec le nom al-Alim. Traduction relative ici, al-Alim, celui qui a la science de tout, l'omniscient, subhanahu wa ta'ala, celui qui est l'informé. Et donc Allah Jalla wa'ala huwa al-Aziz fait partie de ses noms sublimes, comme on l'a dit, comme on l'a appris dans les assises précédentes. Wa al-Alim aussi fait partie de ses noms sublimes. Regardez, Allah ensuite nous informe à son sujet. Il dit Ghafiriz Dhanb, Allah est le pardonneur. Regardez, qui pardonne le péché. Ensuite, il dit Wa qabilit tawb, il est celui qui accepte le repentir, qui agrée le repentir. Ensuite, Allah Jalla wa'ala nous parle maintenant de son châtiment. Shadid al-Iqab. Shadid al-Iqab. Mais Allah est sévère en châtiment. Dhitawli. Mais ensuite Allah nous dit, et dont la générosité n'a point de limite. Il n'y a nul adoré véritable si ce n'est lui, et c'est vers lui que se fera ton retour. Et donc ça c'est une traduction relative, hein, du sens du verset. Mais regardez, certains savants, regardez là, l'observation minutieuse. Certains savants nous ont dit, regardez, Allah Jalla wa'ala dans ce verset, il nous dit qu'il est celui qui pardonne le péché. Ensuite, il dit celui qui accepte le repentir. Ensuite, il va parler de son châtiment en disant qu'Allah Jalla wa'ala, shadid al-iqab, son châtiment est dur et sévère. Mais Allah Jalla wa'ala est celui dont la générosité n'a point de limite, traduction relative. Et bien, regardez, les savants, ils ont dit, lorsqu'Allah Jalla wa'ala, il a parlé du châtiment, eh bien, il l'a cité entre eux des éléments qui dénotent sa miséricorde et qui sous-entendent sa miséricorde. Il n'a pas d'abord parlé de son châtiment, mentionné son châtiment, et mis des points qui dénotent ou mentionnent sa miséricorde entre eux, différentes descriptions qui sous-entendraient le châtiment. Mais il a d'abord relaté. Il nous a informé d'abord qu'il est celui qui pardonne le péché, qu'il est celui qui accorde le repentir. Regardez, Allah Jalla wa'ala nous parle de sa miséricorde, de son pardon qui est immense. Ensuite, au milieu, il va citer Shadid al-Iqab, que son châtiment peut être sévère, il est dur en châtiment, et Allah Jalla wa'ala va faire suivre cela, et dont la générosité n'a point de limite, traduction ici approximative et relative. Donc vous avez vu, lorsqu'Allah Jalla wa'ala a parlé de son châtiment, ça a été mentionné entre eux, après qu'il ait parlé de son pardon, de l'acceptation du repentir, et ensuite il fait suivre cela de sa générosité qui est sans limite. Donc tout cela dénote sa miséricorde, et c'était mentionné, en quelque sorte on va dire, entre eux, cette description qui dénote sa miséricorde. Regardez si vous suivez encore dans les versets. Ensuite, lorsqu'Allah Jalla wa'ala va nous faire part de l'invocation des anges, lorsqu'Allah Jalla wa'ala ensuite nous informe au sujet de l'invocation des anges, et ils disent « Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma » Rahmatan wa ilma. « Au Seigneur, disent-ils, c'est-à-dire les anges, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses. » Regardez, comme Allah Jalla wa'ala embrasse toute chose de sa science, il est dit ici que sa miséricorde aussi embrasse toute chose, englobe toute chose. Donc vous avez vu, comme sa science cerne, Allah Jalla wa'ala cerne tout de sa science, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et bien sachez que dans le verset nous est dit, celui dont la miséricorde aussi englobe toute chose, cerne toute chose, comme il nous est mentionné dans ce verset. Donc c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose vraiment, lorsqu'on médite ces versets, regardez, où Allah nous relate, nous informe au sujet de cette invocation des anges. Donc c'est l'invocation des anges, c'est pas n'importe quel ange, ce sont les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous les décrit en disant qu'ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils invoquent en faveur des croyants, et donc ils demandent le pardon d'Allah pour les croyants, en disant cela, Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Et ensuite les anges disent, pardonne à ceux qui se repentent et se remettent sur ta voie, préserve-les du supplice de l'enfer. Traduction vraiment relative du sens du verset. Donc regardez ce que ces anges disent. Ils disent, Seigneur, disent-ils, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses. Regardez, comme sa science embrasse toutes choses, sa miséricorde embrasse toutes choses. Donc là, j'ai fait un point sur cela. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il mentionne ce hadith divin, on appelle comme cela le hadith al-Qudsi, et il nous dit que dans ce récit, Allah Jalla wa Ala, le prophète nous informe qu'il a fait devancer sa miséricorde sur sa colère. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment concevoir, qu'il faut vraiment comprendre, et ça vraiment, ça rajoute de l'espoir pour le croyant. Le croyant, en ces jours-ci, en période de trouble, lorsque les temps deviennent difficiles, vous avez vu le prophète, sallam, par exemple, nous informe au sujet de cette époque, on avait déjà relaté ça dans d'autres allocutions, une époque où il sera dur pour le croyant de patienter avec sa foi, avec son iman, de pratiquer sa religion, et ça serait comme le fait de tenir une braise ardente, hein, tellement il est compliqué, il est dur, hein, de tenir une braise ardente, une braise qui est brûlante, brûlante, de la tenir dans les mains. Il arrivera une époque où tenir et patienter avec sa religion, ça serait comme tenir justement cette braise ardente. Donc le croyant, il a besoin, en période de trouble, en période de fitan, lorsqu'il est difficile de s'attacher à sa religion, eh ben de penser à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De réfléchir, de méditer sur cela. De vraiment qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il nous informe au sujet de sa miséricorde. Elle embrasse tout, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vraiment, ça donne de l'assurance, ça rassure le croyant et ça le réconforte. C'est pour cela, on est vraiment dans un bienfait qui est immense. Et sachez que si vous voulez voir les traces, si vous voulez, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, observez ce monde. Regardez la création. Tout cela indique la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, éprouve la miséricorde d'Allah. Ce monde-là, tout ce que vous voyez autour de vous, tous ces bienfaits qu'on jouit, tous ces bienfaits qui sont à notre portée, qui sont à portée de main chaque jour, tout cela, ce sont les effets de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple cette terre, regardez les cieux, regardez par exemple le bienfait que procure le soleil pour les êtres humains. Les êtres humains ont besoin de cette chaleur, ont besoin de ces rayons émanant du soleil. Regardez la lune par exemple, le bienfait de la lune et les bienfaits de cela pour cette vie, pour cet univers, pour les êtres. Regardez ce que contient cette terre, observez. Comme plantes, comme végétaux, comme fruits, comme légumes, ce qui est nécessaire pour la vie des êtres vivants. Donc observez le ciel, observez la création. Regardez, juste réfléchissez sur l'air qu'on respire. Tout cela, ce sont les bienfaits d'Allah, ce sont les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ces bienfaits qu'Allah jalla wa ala, dont il nous a comblé chaque jour ce qu'on jouit. Regardez tous ces aliments, cette nourriture, ces boissons. Regardez les personnes qui sont en famille, qui ont des enfants, les personnes qui ont un foyer, les personnes qui ont une demeure. Tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, par exemple, a la santé, la personne qui voit, la personne qui peut entendre, la personne qui jouit de ses sens, qu'Allah Jalla wa Ala nous a donné, alors la personne constamment, s'il réfléchit et médite cela, il va se rendre compte de l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah. C'est pour ça que le croyant, il est dans une ni'ma. Le croyant, il est dans un bienfait. Et parmi l'une des plus grandes miséricordes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah jalla wa ala nous ait guidés, vous ait guidés dans le droit chemin. Le fait que vous soyez musulman, le fait que vous soyez musulmane, ça fait partie des plus grands bienfaits. Combien de gens voudraient être musulmans? Combien de gens voudraient croire comme vous croyez? Mais cela ne s'achète pas. C'est une richesse qu'il y a dans le cœur qu'Allah jalla wa ala, mais dans le cœur de l'individu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de vie heureuse sans l'islam. Et ça, c'est très important de savoir. Et le musulman qui médite, le musulman qui connaît son créateur, et le musulman qui se rend compte du bienfait de cette religion, du bienfait de l'iman, de la croyance, d'avoir la foi dans son cœur, de la lumière, de ce ilm, de cette science, alors il se rend compte que ça, c'est le plus grand bienfait qu'il ait touché dans cette vie d'ici-bas. C'est la plus grande richesse que possède le croyant. C'est pour ça que les savants sont unanimes. Il y a un consensus et une unanimité chez les savants que le plus grand bienfait qui peut toucher l'être dans cette vie d'ici-bas, c'est le bienfait de l'islam. La foi, elle imane. Alors, combien de gens voudraient croire, mais ils ne peuvent pas acheter cela. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et le fait de croire en Allah, le fait de croire en ses signes, le fait d'avoir accordé foi en ses prophètes et messagers et en ses livres, cela, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. Et si vraiment on se rend compte de l'ampleur de cela, alors c'est pour cela qu'on serait constamment en prière, en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train de l'invoquer, en train de le remercier, d'être reconnaissant envers lui. Regardez, dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit qu'Allah sait et reconnaît ses serviteurs reconnaissants, ceux vraiment qui le remercient. Allah Jalla wa Ala veut pour nous, veut qu'on le remercie subhanahu wa ta'ala et qu'on soit reconnaissant. C'est pour ça qu'il faut vraiment méditer cela. Allah Jalla wa Ala nous a comblé de ses bienfaits. C'est pour ça qu'on est dans une ni'ma. Regardez combien de gens ont essayé de chercher le bonheur. Les êtres humains, ça c'est un point commun qu'il y a chez tous les êtres humains. Chacun recherche le bonheur. Chacun veut être heureux dans cette vie d'ici-bas. Il veut vivre une vie bienheureuse, comme on dit. Donc ça, c'est un point commun chez les croyants, chez les non-croyants, chez les polythéistes, chez les monothéistes. C'est un point commun. Et ben, mais beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé, ce bonheur. Beaucoup de gens, cette vie heureuse, ils ne l'ont pas connue. Malgré qu'on voit des gens qui jouissent de bienfaits immenses. Il y a des gens qui vivent dans la richesse, qui sont riches, qui ont de la fortune, qui ont de la notoriété. Il y a des gens qui sont célèbres, qui ont de l'argent, qui ont des biens et qui ont des enfants, une progéniture, une descendance. Mais on voit que certains, malgré tout cela, malgré la notoriété, la célébrité, malgré la gloire, certains connaissent la gloire, on voit que tout cela, ça leur a pas procuré le bonheur. Avec tout cela, on voit que certains n'ont pas connu ce réel bonheur. Et c'est pour ça qu'on voit même certains qui ont joui dans cette vie d'ici-bas de grands bienfaits, qui ont connu la célébrité, la gloire. Pour eux, ça, c'est le plus grand bienfait, c'est la réussite dans cette vie d'ici-bas. Eux sont en recherche de gloire, ils sont en recherche de compliments, ils recherchent cette notoriété, cette célébrité, ils recherchent les biens terrestres, ils veulent des biens, des fortunes. Et bien, certains l'ont eu. Et on voit même dans l'histoire de certains, à la fin, ça aboutit même au suicide. Certains se sont suicidés malgré tous ces bienfaits, malgré toute cette richesse. Certains sont arrivés à se suicider. Ou plutôt, en sont arrivés à se suicider malgré qu'ils ont connu tous ces bienfaits. Donc, on voit qu'il y en a qui ont connu même la royauté. Il y en a qui fuient la royauté, comme on a vu il n'y a pas très si longtemps et comme on voit dans les siècles précédents dans l'histoire. Donc, certains qui ont la royauté, certains, par exemple, qui possèdent un pouvoir, certains vont même fuir cela. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur dans cela. On voit même des gens qui ont des fortunes, qui vivent avec des fortunes, qui ont de la richesse, et sont constamment en train de se plaindre. Ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça la vraie richesse. Et le bonheur n'est pas dans cela. On voit des gens qui ont cherché, par exemple, le bonheur dans la richesse. Ils l'ont pas trouvé. On voit des gens, par exemple, qui ont cherché le bonheur, par exemple, dans la drogue. Et on voit que ces gens-là ne l'ont pas trouvé. Au contraire, ils ont été dévastés. Ils se sont détruits avec cela. Et on voit que ça a causé leur perte. Et à la fin, ils ont vu que c'était pas le bonheur. Il y a des gens qui ont cherché, par exemple, le bonheur dans l'alcool. Et on voit qu'à la fin, ça a causé leur perte. Et même eux essayent de s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y en a des gens, par exemple, qui sont pris dans le tabac. Ils essayent de s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Regardez, beaucoup de gens ensuite deviennent esclaves de ces choses-là. Et ensuite, ils essayent de s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ensuite, ils sont obligés de faire des cures pour essayer de s'en sortir. Mais malgré ça, beaucoup, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à connaître le bonheur. Ils n'arrivent pas à connaître cette vie heureuse. C'est pour ça que beaucoup sont en recherche de bonheur et de vie heureuse, mais ils n'ont jamais trouvé cela. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon chemin. Parce qu'ils ne cheminent pas sur le bon chemin. Ils n'ont pas trouvé encore où est le réel et véritable bonheur. Celui qui va connaître le bonheur, c'est celui qui goûte à la douceur de la foi. Halawat al-iman, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui goûte à la foi, celui qui goûte à cette douceur, celui qui vit dans la douceur de l'iman, lui va goûter au bonheur. Et lui, sa vie va être un bonheur. Malgré que, bien sûr, comme on l'a dit dans les allocutions précédentes, on va être éprouvé, le croyant va être éprouvé, mais au fond de lui, il va connaître le bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il est en relation avec son Seigneur, avec le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la plus grande richesse. Donc, on est dans une ni'ma. Regardez, par exemple, le fait d'apprendre les noms et les attributs d'Allah. Le fait de se rendre compte de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez comment cela procure de l'espérance. Comment ça nous mène à adorer Allah, jalla wa ala, et à espérer en sa rétribution et en sa miséricorde. Parce que personne ne rentrera au paradis avec ses propres actions et ses œuvres. Les gens rentreront au paradis par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de sa grâce et de ses bienfaits. Donc ça, il faut vraiment le méditer. Et c'est pour ça qu'on est dans un bienfait qui est immense. Regardez, là, on vit des jours immenses à l'arrivée du mois du Ramadan. L'arrivée du mois du Ramadan, c'est l'un des plus grands bienfaits. Le fait que Allah, jalla wa ala, vous ait inscrit parmi ceux qui vont jeûner ce mois du Ramadan, parmi ceux qui croient en lui, parmi ceux qui vont ouvrir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois du Ramadan. Et ben ça fait partie des plus grands bienfaits. Et c'est pour ça que nos pieux prédécesseurs, lorsque ils avaient fini de jeûner un mois du Ramadan, donc pendant des mois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accepter ce jeûne du Ramadan. Et lorsque approchait le mois du Ramadan, alors toujours ils disaient « Allahumma bellirna Ramadan, Allahumma bellirna Ramadan, ô Seigneur, fais-nous vivre pendant le mois du Ramadan. » C'est un bienfait qui est immense. Combien de gens qui ont jeûné le mois du Ramadan dernier ne savaient pas que c'était leur dernier jeûne et leur dernier mois du Ramadan. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont jeûné l'année dernière, mais aujourd'hui, ils sont pas arrivés et Allah leur a pas donné vie pour jeûner en ce mois du Ramadan. Beaucoup, beaucoup de gens, regardez, pendant l'année, sont décédés. Et beaucoup de gens ne savaient pas que lorsqu'ils ont jeûné l'année passée, ne savaient pas que c'était leur dernier mois du Ramadan. Donc celui qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné l'occasion de jeûner ce mois du Ramadan, alors il faut vraiment pas perdre son temps. Et pour pas perdre son temps, déjà il faut se rendre compte vraiment de l'immensité du bienfait d'Allah Jalla wa Ala qui a fait de nous des croyants. Donc c'est un honneur pour nous, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a honorés. Nous a honorifié avec cette religion. Donc Allah, Jalla wa Ala, vous a honoré. C'est un honneur pour vous d'être croyant, d'être croyante. Donc la sœur qui est musulmane, c'est un honneur pour elle d'être musulmane. Le musulman, c'est un honneur pour lui d'être musulman. Et ça, il faut vraiment l'inculquer à nos enfants, aux générations qui viendront, vraiment que c'est un honneur pour nous d'être croyants et d'être musulmans. Le fait de jouir de ses bienfaits et qu'Allah Jalla wa Ala ait mis la croyance dans nos cœurs. Donc, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'on médite, alors nous rajoute bienfaits sur bienfaits. On voit les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit tous ses bienfaits, on les vit. C'est pour cela qu'il faut être reconnaissant dans son adoration subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment reconnaître ce bienfait de pouvoir jeûner ce mois du Ramadan. C'est le mois du pardon. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha lui disait « Si je suis dans la nuit du destin, si j'atteins la nuit du destin, que dois-je dire ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ô Seigneur, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon. Fais-moi miséricorde. Pardonne-moi. Ô Allah, Jalla wa Ala, il dit Allahumma innaka afuwun. Ô Seigneur, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon, pardonne-moi. Regardez, parce que c'est le mois vraiment du pardon. C'est le mois où des gens seront affranchis de l'enfer. Donc c'est vraiment un mois qui est immense. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut vraiment être conscient que le temps est précieux. Comme disait Ibn al-Qayyim, Ida'atul waqt, d'ailleurs, waqt ashadd min al-maut. Il disait que la perte de temps est pire que la mort. Pourquoi? Parce que perdre son temps, ça coupe le lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la mort, ça coupe le lien que vous avez avec cette vie. Et cette vie est moins importante que le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est moins importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette parole immense de Ibn Qayyim lorsqu'il dit « Ida'atul waqt, d'ailleurs le waqt ashaddu min al-maut ». Le fait de perdre son temps, c'est pire que la mort. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à une première lecture de comprendre le sens, mais lorsqu'on on médite bien, le fait que si on perd ce temps-là, alors on coupe notre lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là, alors, tandis que la mort, ça va couper votre lien avec cette vie d'ici-bas. C'est pour cela qu'il est même, il y a une parole qui est beaucoup répandue chez la masse, chez les gens, lorsqu'on dit que le temps, c'est comme un safe. Le temps, c'est comme l'épée. Si tu ne le coupes pas, il te coupera. Si tu ne le coupes pas, il te coupera. Et ça, c'est une parole qui est répandue chez la masse. C'est vraiment comprendre que le temps, c'est comme l'épée. Et si on ne l'exploite pas, les savants nous disent, dans le bien, si on ne l'utilise pas dans le bien, alors ça sera que regret, ça sera que perdition, et ça sera que khasara, comme on dit. Ça sera que khasara. La personne regrettera. Et cela va être contre lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son... C'est-à-dire il faut vraiment être conscient et attentif et vraiment agir et faire des actions et être conscient que son temps est précieux et gagner du temps justement et profiter de ce temps qu'on a dans cette vie d'ici-bas pour se faire pardonner nos déficiences dans le passé. Donc on peut améliorer le passé en étant bon dans le présent. Et juste pour terminer ce chapitre par rapport aux enseignements de Cheikh Al-Uthaymeen, donc après qu'il ait mentionné donc ce hadith qui est immense, que la miséricorde d'Allah précède et devancera sa colère, elle devance sa colère, et dans une version on a dit elle domine sa colère. Donc c'est pour cela que regardez, méditez, Cheikh il nous dit وَيَبْقَ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا. Il nous expliquait dans ce hadith que lorsque tous les gens seront rentrés au paradis, donc les gens seront rentrés au paradis, il restera de la place. Il restera de la place. Et le prophète nous dit que lorsque ensuite tous les gens du paradis sont rentrés, donc il restera de la place, et Allah Jalla wa'ala créera des gens et les rentrera au paradis. Donc regardez encore ce qui dénote, et Cheikh Al-Uthaymeen va nous expliquer ce qui dénote la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il rentrera des gens au paradis. Alors que ces gens-là n'ont pas œuvré. Ces gens-là n'ont pas œuvré, ces gens-là n'ont pas agi, ils n'ont pas d'action, mais ils sont rentrés au paradis. Pour combler, pourquoi? Parce que l'étendue du paradis, et là Cheikh Al-Uthaymeen va faire allusion à cela, comme c'est, il y a une allusion dans le Coran, l'étendue du paradis, la largeur du paradis, Arduha samawat wal ard. Arduha samawat wal ard. Wa man yudrik arda samawati wal ard. La yudrikuhu illallah. C'est-à-dire que la largeur du paradis est comparable à ardu samawati wal ard, à la largeur des cieux et de la terre. Et qui est-ce qui peut concevoir la largeur des cieux et de la terre? Il dit personne ne peut concevoir cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est immense. Regardez par exemple, il nous est mentionné dans le Coran que la largeur, ici, l'étendue du paradis, c'est ardu samawati wal ard. C'est encore plus vaste que les cieux et la terre. C'est immense, c'est immense. Et ardu samawati wal ard, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de l'étendue, de la largeur hein, des cieux et de la terre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Cheikh nous dit ici, il n'y a qu'Allah qui peut concevoir cela. Nous, notre conception est limitée. Par contre, on a des informations si on veut. Et c'est vraiment concevoir, de s'imaginer un peu l'ampleur des cieux et de la terre, c'est qu'Allah Jalla wa'ala nous dit de la terre déjà au premier ciel, il y a la distance de 500 ans. C'est la distance de 500 ans. 500 ans, imaginez-vous, ça, par rapport à nos calculs à nous, ça donne 5 siècles. Par rapport à nos calculs à nous, c'est juste pour se donner l'image, 500 ans. Imaginez-vous, entre la terre et le premier ciel seulement. Et entre chaque ciel, il y a aussi la distance de 500 ans. Donc c'est quelque chose qui est immense, c'est quelque chose qui est immense. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Uthaymeen ici va faire la relation, un parallèle, regardez, c'est immense. Alors qu'Allah, et on va terminer sur ça, alors qu'Allah nous dit pour l'enfer, alors que l'enfer dira, est-ce qu'il y a du rajout? Parce qu'il restera de la place. C'est-à-dire que l'enfer, lorsque les gens seront rentrés en enfer, l'enfer ne serait pas rempli encore. Donc, l'enfer dira, est-ce qu'il y a du rajout? Donc Allah, Jalla wa'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il mettra son pied. Et donc là, l'enfer dira, ça suffit, oh Allah, par ta puissance et ta générosité. Tandis que pour le paradis, les gens seront rentrés au paradis. Et là, dans le paradis, je vous réfère à lire dans le Coran et dans la Sunna, vraiment la description du paradis, les gens qui seront entrés au paradis, ce paradis qui est créé pour les croyants. Regardez l'immensité, le fait de reconnaître ce bonheur, de reconnaître ce bienfait d'être croyant. C'est pour ça que la chose la plus importante pour le croyant, c'est d'implorer Allah qu'il le fasse mourir en tant que musulman. D'implorer Allah qu'il le fasse mourir en tant que musulman. La bonne finalité, c'est le plus important. Et le plus dur, c'est que lorsqu'on est sur l'islam, lorsqu'on est sur la sunna du prophète, c'est que la fin soit sur cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut demander, il faut implorer Allah. An yursina khitamana wa khatimatana. Qu'Allah, Jalla wa Ala, améliore notre fin et qu'Allah nous fasse mourir sur une bonne fin, sur l'islam. Regardez, c'était l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, du prophète Ibrahim, wa huwa nabiyullah wa huwa khalilullah. Alors que c'était l'ami intime d'Allah. Donc les prophètes demandaient à Allah, Jalla wa Ala, de les faire mourir sur l'islam. Et donc ce paradis qui était créé pour les croyants, les gens vont jouir d'un paradis éternel. Et là, il nous est dit dans le récit, le prophète nous dit qu'il restera de la place au paradis. Et bien regardez, la grâce d'Allah, c'est qu'Allah va créer des gens et les rentrer au paradis. Différemment, et c'est ça le parallèle que fait Cheikh Ibn Uthaymeen pour nous faire comprendre, et c'est le prophète ensemble qui nous enseigne cela dans le récit, tandis que l'enfer, alors qu'il y a de la place et l'enfer ne s'est pas rempli, elle veut du rajout, Allah met son pied et là l'enfer dit ça suffit, ça suffit. Et pour le paradis, alors qu'il reste de la place, Allah va créer des gens et les faire rentrer et vivre au paradis. Alors que ces gens n'ont pas œuvré, ces gens n'ont pas d'action. Mais comme nous explique Cheikh Ibn Uthaymeen, ça c'est par la grâce d'Allah. Regardez, sa grâce et sa miséricorde, elle devance. Et donc elle précède sa colère. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça vraiment c'était une leçon qui est immense. Et regardez comment on conclut le chapitre concernant la puissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen dit وَيَدْخُلُهَا أَهْلُهَا وَيَبْقَ فِيهَا فَضْلٍ وَقَدْ وَعَدَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَمْلَأَهَا وَهُوَ أَوْفَى مَنْ وَعَدَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et Allah avait promis de remplir le paradis et Allah Jalla wa Ala va tenir sa promesse de remplir le paradis. Donc c'est pour ça, c'est vraiment l'auteur a vraiment conclu le chapitre avec une exhortation qui est immense. Donc on a terminé l'explication de ce chapitre. Inch'Allah, dans la prochaine allocution, on commencera, Inch'Allah, bihawlillah, un nouveau chapitre. فنسأل الله التوفيق والسداد كما نسأله جل وعلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.